Unité 1. 1B. 1. C'est où ça? C'est au Canada. C'est Montréal. Ah, c'est beau. Oui, c'est une belle ville. 2. Et c'est quoi ça? Ça, c'est un fromage. D'accord, mais c'est un Emmental, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. 3. C'est où ça? À Paris? Oui, c'est à Paris. C'est un café près du Louvre. Ah, d'accord. 4. C'est quoi ça? Ça, c'est l'Atomium de Bruxelles. Ah, c'est original! 5. Ça a l'air bon, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un croissant, voyons. Ah, c'est ça, un croissant.